dans les bras de mort. Fait entre les strophes et les bombes à désamorcer. Le son radie les bords, à la merci de la mort. C'est corsé, j'écris sans jamais forcer. J'ai réalisé le crime comme un film à MC Dorcel. Meurtre à tous les morceaux, les forces sont tenues de garder la force. Sourcils froncés, rap français c'est ridicule. Je me répète, trop de mecs serrés du cul. Crime par écriture, assassinat à la plume. Le buzz de la rue m'a pu. Baisse les dollars et les putes, tout pour la répute. Prends de mauvaises habitudes, manipule mon attitude. Taciturne, à travers un regard, capitule. Erratique, particule, à la radicule. Après le crime, aucune manicure. La rue t'apprend à gérer sans gommer les ratures. Mature, étude tue, quand l'homme est têtu. Il était une fois le rap ou le crime par écriture. Le stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture. Le stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture. Ma prose, crime, pose, rime dans le rêve. Mon projet, le micro, mon objet au plus obscur. Depuis progéniture, aigri, nature amaigrie. Car plus d'air pur dans la rue, c'est cru et bête. Le stupide culpute, cruel, mettre le feu dans l'essence. Vengeance dans la chanson, enquête de mon indépendant. L'enquête, machination, ce drame, créatif sans créatine. Tragédie, pourquoi Dieu crée un crime. Mon infanterie hostile depuis l'enfance. Street 13 dans la street, prête au danger. Abrité par une soif de manger. Dérangé, coutume, rousse peg. Façon infantile, crime infâme. Tel un reptile pelé, pour une facture au feeling, fracture. Crime par écriture, je décris le rap, un théorème. Un binôme, guerre festive, un fléau qui règne dans nos ruelles. Pour prière, bis très tôt. L'industrie est morceau, ce morceau je boxe. Crime par écriture, car dans le biz y'a plus de sous. Le stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture. Le stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture. Stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture. Le stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture. Le stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture. Le stylo saigne, dans les vers c'est la peine. Le crime nous attriste et se multiplie les scènes, haute scène. Obscur mais observe des scènes macabres. Obscène, le mal s'installe, ma prose, crime par écriture.